Vous voulez vous rendre seul chez Nastasia Philipovna? Mais vous n'y pensez pas, prince. Je ne vous abandonnerai pas. Alors pressons le pas, général, je vous en supplie. D'ailleurs, il s'agit là pour moi d'une entreprise capitale, prince, dont dépendent beaucoup de choses touchant ma famille. Pressons donc le pas. Je dois seulement entrer pour un moment dans cette demeure qui est en face de nous. Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de me reposer de mes peines et de mes soucis dans cette demeure paisible. Et comme justement ce soir, je ressens une grande fatigue, je voudrais passer 5 minutes auprès de la veuve du capitaine Terentiev, mon ancien subordonné et ami. Ah, j'ai commis une belle sottise en restant avec vous 1 heure dans ce méchant café. Maintenant, au lieu de me conduire chez Nastasia Philipovna, vous voulez m'entraîner chez la veuve de je ne sais quel capitaine. Je ne la connais pas, je ne désire pas la connaître. Ça suffit. Adieu, général. Mais je ne peux pas vous laisser seul. La visite ne prendra que 5 minutes, prince. C'est une veuve mère de famille. Elle fait vibrer dans mon cœur les fibres. Ah, lâchez mon bras, général, je vous en supplie, je m'en vais. Mais 5 minutes encore. Le temps de mettre un peu d'ordre dans ma tenue. Alors, soyez raisonnable, prince. Je ne peux tout de même pas paraître dans le salon tel que je suis. Non, pas même 1 minute. Veuillez lâcher mon bras. Mais jamais de la vie. Je vous ai promis de vous accompagner chez Nastasia Philipovna. Je tiendrai parole. Kolia, mon fils cadet, prince. Que fais-tu ici, Kolia? Rien, papa. Madame Terentiev vous attend, seulement vous êtes dans un tel état. Vous savez, vous feriez mieux de ne pas y aller. Elle vous mangera tout cru. Il y a 3 mois, vous lui avez promis de l'argent, mais bien entendu, vous ne lui avez pas donné un copec. Mais vous faites toujours ainsi, vous promettez. Ça suffit, Blanbec. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi. Montons, prince, et calmons cette veuve irascible. Ne connaissant pas l'adresse de Nastasia Philipovna, force m'était de suivre le général Ivolgin. Quelques minutes plus tard, nous pénétrions dans le logis crasseux de la veuve Terentiev. Une femme d'une 40aine d'années, passablement fardée, les cheveux armés d'épingles, se dressa devant nous. Ah, le voilà! Enfin! Oh, le misérable! Avancez, prince, ce n'est rien. Madame Terentiev chasse ses mauvaises humeurs après la pluie de beau temps. Tu n'as pas honte, bourreau? Tu m'as dépouillé, tu m'as sucé tout mon sang. Jusqu'à quand vais-je te tolérer, homme sans vergogne, sans honneur? Marfa Borisovna, retiens-toi. Tu ne vois pas que je ne suis pas seul. Voici le prince Mishkin, le fils de feu, le prince Nicolas Mishkin. Il peut s'imaginer des choses, alors que tu me taquines seulement, n'est-ce pas? Je t'apporte 25 roubles, tout ce que j'ai réussi à me procurer grâce à mon noble ami, le prince Mishkin. Et voilà, tiens, prends-les et cesse de gémir. Prince, tout cela n'a pas l'importance. Nous payons tous le péché originel. Et à présent, je me sens fatigué. Excusez-moi. Marfa Borisovna, donne-moi un coussin. Je vais m'allonger un moment. À mon grand étonnement, Madame Terentiev, soudain calmée, apporta un coussin et, prenant le général par le bras, le guida vers le canapé. Le général s'y laissa tomber et s'endormit du sommeil du juste. Alors je me tournai vers Kolia, qui avait assisté silencieux à cette scène. Kolia, ne pourriez-vous me rendre un service? Hmm? Je dois absolument être ce soir chez Nastasia Philipovna. J'ai demandé tout à l'heure à votre père de m'y conduire. Et... Mais le voilà qui dort. Et vous voulez que je vous amène chez elle? Avec plaisir. Partons, prince. Et sans plus de façon, nous abandonnâmes Terentiev et le général qui ronflait sur son canapé. Arrivé près de la maison de Nastasia Philipovna, Kolia me serra gentiment la main et s'en alla. Je demeurai seul. J'étais indécis et troublé. Je pensais, elle peut ne pas me recevoir. Mais admettons qu'elle me reçoive, en serais-je plus avancé? Comment lui dire, n'épousez pas Gabriel Ardalionitch. Ne vous perdez pas avec lui, il ne vous aime pas, c'est votre argent qu'il aime, il nous l'a dit lui-même. Cependant, en dépit de mon trouble, je finis par pénétrer dans la belle maison de Nastasia Philipovna. Je fus accueilli par une jeune servante à qui je demandai de m'annoncer. Elle ne manifesta aucune hésitation. Mon chapeau à large bord, mon habit râpé et mes souliers couverts de boue ne parurent nullement la déconcerter. Elle m'aida à ôter mon manteau et me pria de la suivre. Oh, pardonnez-moi d'avoir oublié de vous inviter tout à l'heure, prince. Je l'ai sincèrement regretté, une fois rentré chez moi. Mais tout est bien qui finit bien. Vous voilà. Et je suis ravie de vous compter parmi les nôtres. Tout en me parlant de la sorte, Nastassia Philipovna fixait sur moi un regard attentif, comme si elle cherchait à deviner la raison de ma visite. Moi, frappé et ébloui par sa beauté, je baissais les yeux, incapable que j'étais de prononcer un mot. Elle me sourit avec bonté, et je pus enfin murmurer. Tout est perfection en vous, même votre pâleur. J'ai eu un tel désir de vous revoir que je n'ai pas hésité. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, prince. Ainsi, vous me prenez pour une perfection? Oui. Vous vous trompez. Et je crains fort de vous décevoir, pas plus tard que ce soir. Mais venez, je vais vous présenter à mes invités. J'ai changé une poignée de main avec Totski, le protecteur de Nastassia Philipovna, avec le général Yepanchin, qui me regarda avec étonnement, avec Ferdischenko, avec Ptitsin, l'ami de Gabriel Ardalionitch, et avec Gabriel Ardalionitch lui-même. Et j'avançai vers les dames qui étaient assises de l'autre côté du salon. Tout à coup, Nastassia Philipovna demanda l'heure à une servante. Il est 10h30, madame. C'est bien, Macha. Mets du bois dans la cheminée. Et apporte-moi ma mantille, j'ai froid. Bien, madame. Oh, messieurs, vous êtes tristes à mourir. Voulez-vous du champagne? Tous les invités de Nastassia Philipovna burent du champagne. Et bientôt, ils se mirent à plaisanter, à rire. Seule Nastassia Philipovna, elle, demeurait silencieuse et maussade. Elle consultait sa montre et mordillait le bout de ses doigts. Parfois, elle frissonnait. On aurait dit qu'elle était en proie à un accès de fièvre. Prince, mes vieux amis! Afanassy Ivanovitch Totski, le général Yepanchin et d'autres encore veulent me marier. Dites-moi si je dois accéder à leur demande. Je ferai comme vous me conseillerez de le faire. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Roger Monteau, le général Ivolgin, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Pierrette Cayol, Madame Terentieff, Suzy Jaspard, Macha, et Sylvia Montfort, Nastassia Philipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau, et le concours de la troupe dramatique régionale.